But that's not all. I mean, in France, actually, on the 1st of May, people would get the, in feudal times, and then this is continued, would get the, have permission to actually go into, in the woods, into the woods, and pick lilies of the valley, muguet. Oh, yeah, and this is May, and then at this point, then they can actually, when otherwise they were not permitted into these forests or into these areas, they on May 1st they have the right. They can also pick them and they can sell them on the street, or if they have more than they actually can carry themselves. So it has quite a connotation, and well. I mean, here I don't see anything of muguet or of lily of the valley. I think they're hiding yet. It's or too anything, cold. But in Paris, of course, this is by this time the muguet are coming out, and so. I used to buy mine on the street. Yeah, in that's Paris. They have the it's sold in little bunches. They have the right. I mean, they have the. Right, without getting any permit or anything, which you usually have to have in France, you have to have a permit for almost anything. But there, you pick them, bundle them, and then you can go and you offer them to your sweetheart, but then also you sell them on the street. Perhaps that was something dating back. Pagan times, maybe? That I don't know, but I mean, it's probably the big sieur, the landowners or the noble people would at least so to give their vassals a little a little bit of a break and a little bit of fun. Merci, Olaf. Maintenant, on va continuer avec quelque chose qu'Olaf a fait tout seul lui-même. Il a choisi des artistes par leur nom. Alors, alphabétiquement, il a choisi une ABCD. Et la semaine dernière, on est arrivé H, je crois que c'est... Non, non on était pas... arrivé jusqu'à... F, la lettre F. Peut-être. No, let me see. We were pretty far out, and it was basically the new set starts with M, so we were M, we were K, L, L. We, I think, I don't know if we did the L, but... Donc, ce soir, on va commencer avec... Germaine Montero. Alors, ça, c'est une. Le premier nom ou la deuxième, la M? C'est très souvent, c'est très difficile à savoir parce qu'ils sont notés dans leur. Ou bien dans leur bibliographie ou dans leur biographie. D'accord. Quelquefois, c'était le nom de famille. Quelquefois, c'est le nom. Donné qui est le premier par lequel elles sont connues. Mm-hmm. Donc, de toute façon, nous, on essaie de faire la liste alphabétique. Alors, et on cas, commence avec le M aujourd'hui. Germaine Montero qui va vous chanter La fille de Londres. Et ça va être suivi par Lynn Margie qui chante Les Carabiniers de Castille. Est venu dans ma chambre, il a rongé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri, un chinois est sorti de l'ombre, un chinois a regardé Londres, sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine Finch lui sourit. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Sur son maillot de laine bleue, on pouvait lire en lettres rondes le nom d'une vieille compagnie qui, paraît-il, fait le tour du monde. Nous sommes entrés chez Charlie, à peine et fins loin des soucis. Et j'ai dansé toute la nuit avec mon chin-toc ébloui. Et chez Charlie, il faisait jour et chaud. Des jouets Daisy Bell sur son vieux piano. Un piano avec des dents de chameau. J'ai conduit le chinois dans ma chambre. Il a mis le rat à la porte. Il a remonté la pendule. Il a rempli le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants pour le bercer comme un enfant. Il s'est endormi sur le dos. Alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé. Un sale couteau rouge de vérité. Un sale couteau rouge sans spécialité. C'est la fête, toutes les femmes s'apprêtent, peignes d'or fin et rubans de velours, chacune d'elles a mis ses atours. Sous les corsages en dentelle, bat très fort le cœur des belles. Un régiment vient de faire son entrée dans le village tout pavoisé. Ce sont les carabiniers de Castille, habits et galons dorés qui scintillent. Surtout faites attention, jolies filles, ils sont braves garçons mais joyeux lurons. Ce sont les carabiniers de Castille, ce sont des gaillards qui n'ont peur de rien. Quand le bal finira et qu'au loin une nuit sonnera, plus d'une fille s'en apercevra. Oh là là! Les soldats, comme on s'en doute, sont repartis sur la route. Et bien plus tard, on sut que Rosita avait beaucoup flirté ce soir-là. La mer eut vent du mystère et se mit fort en colère. Allons, dis-moi le nom de ton galant, Rosita répondit en pleurant. Ce sont les carabiniers de Castille, habits et galons dorés qui scintillent. L'un d'eux m'a dit: je te trouve gentille, et je n'ai plus résisté à tous ces baisers. Ce sont les carabiniers de Castille, alors dans ce cas tout est différent. Car, lui dit sa maman, il est dur quand on a 20 ans de résister à des gars si entreprenants. Je vais te pardonner, qu'avoues-tu, puisqu'il faut l'avouer, toi aussi, tu es fille d'un carabinier. Well, we are continuing with our ABC list, and we are trying to have singers and female singers in the second part of the alphabet. And this now it starts with M, and we'll go to Z. Is that the last letter? Yes. Okay. Oui. Mm-hmm. So the first one was Germaine Montero. And the next one was Lina Margui, so both with M. And Germaine Montero in La Fille de Londres, she was singing about this girl. And if you listened, it was unbelievable what happened to her. She, and actually it's a very funny song. So she sings about a rat that came into her, that came in, into her room, and that stopped the clock. It turned over the beer bottle or the beer stein. And so she was totally upset. But then all of a sudden, here's a Chinese who comes in the costume of a sailor. And he gets the rat out of the place. And he then is doing his thing. But it's a very funny song about and playing with words and having this Chinese sailor then doing whatever he does, and then he falls asleep on her bed, and she checks out, and he has a big red knife on him, which she takes away. So luckily for her. And the other one, of course, has to do with the carabinier de Castille. These are the gendarmes. These are the police men of Castilla. And, she is in total, the singer Lina Margui is in total admiration of these people. So, and I have to stand corrected, you know. I was maligning Minnesota, saying we're so cold, we don't have any lilies of the valley yet, which we don't. I mean, no. That's correct. But I thought Paris had much higher temperature. We have 64 and they have 50. Ooh. In Paris, so I right now. So oh, la, la. I don't know what I don't know what that will do to the muguet and to the cueillade de muguet, but we'll see. Mm. Bon, on va continuer avec des chanteuses alphabétiquement. C'est Magali Noël. Elle va vous chanter Fais-moi mal, Johnny. Ça, c'était dans une autre collection que j'ai aussi. Toutes ces chansons sont dans la collection absolument énorme d'Olaf, ce que vous écoutez ce soir. C'est ça. Oui. Et mais moi, je l'ai aussi sur une collection, un album de Boris Vian. Oh, OK. Je crois. Et donc, ça va être suivi par Magali Noël. Il y a M et N. Et aussi, la deuxième, c'est Elena Noguera. Elle vous chante « La vie s'envole ». Levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Je me fais mon mal, Johnny, je suis pas une mouche.

big deal. I mean, good grief. I mean, what do we need to have that? But to compensate, Hélène Nouguera in La Vie s'envole was much, much more, well, upbeat, and she right. sings about the relations between her and men, and she just has to take it. And then one of the phrases she mentions is, "You just have to get going on it, and you have no time to wring your handkerchief dry with that apparently is tear stained or soaked with tears." So that was a compensation. Was much, much better. Merci, Olaf. Une annonce. New to town? New to the one-of-a-kind audio experience that is KFAI? Want to be part of that experience? Why not become a volunteer? KFAI is always open to creative people looking to share their energy. If you're interested in news reporting, engineering, helping in the music library, or at KFAI-sponsored events, contact me, Pam, at PHILL@KFAI.org. That's PHILL@KFAI.org. Thanks. Thank you. From your friends at KFAI. Alors, on avance l'alphabet. Bravo, Olaf. Très difficile à en trouver, je crois. On arrive jusqu'à la lettre O. Et maintenant, on a Odette Laure, la chanteuse qui chante « Moi, je tricote, entre guillemets, je suis idiote ». Ça va être suivi par Mélanie Pain, « Bye bye Manchester ». Grand-papa couche sur la paille, il mange jamais à sa faim. Il attend que tout le monde s'en aille pour grignoter les bouts de pain. Frédéric, mon petit frère, a coupé la queue du chien. Le voilà parti en guerre en poussant des cris d'indien. Ma petite sœur, une bonne nature, regarde chaque soir en souriant par le trou de la serrure de la chambre de mes parents. Moi, je tricote dans un coin, je suis idiote, je suis idiote. Moi, je tricote dans un coin, je suis idiote et je ne vois rien. Lorsque mon papa travaille, l'oncle Émile embrasse maman. La cajole lui prend la taille, tous deux ont l'air bien contents. Ma voisine, la grande Cécile, qui rit à tous les petits gars. Quand maman s'en va en ville, elle vient retrouver papa. Ma cousine, la grande Fernande, qu'on appelle la catin, sort chaque soir sans qu'on l'entende et ne rentre qu'au matin. Moi, je tricote dans un coin, je suis idiote. Moi, je tricote dans un coin, je suis idiote et je ne vois rien. Ils font comme si j'étais morte, comme si je n'existais pas. Mais moi je surveille la porte, car c'est par là qu'il viendra. Tout le monde le traîne d'imbécile, de pauvre type, de propre à rien. Il s'assied là bien tranquille, je suis heureuse quand il vient. Quand il vient, la chambre est pleine de contes de fées et de soleil. Il m'aide à rouler ma laine. Il dit rien, moi, je dis pareil. Je suis idiote, mais je sens bien. Well, the next song was quite a challenge to find someone, a French singer with that has a name with either first name or her name starting with an O, and that was quite the search. So, but I found Odette Laure. Bravo. And she sang for you. Moi, je tricote. I'm knitting, and what she tells you is about her brother. He has cut the tail of the cat. Her sister is doing something else, and boy, I mean, this family seems to be quite unstable. The grandmother does things, and her cousins, they all misbehave, but she just sits in the corner and knits, and that's all she does, and therefore she keeps out of trouble. So that was Odette Laure. Bon, alors, il y avait... Oh, on n'a pas joué. Non, on n'a pas joué, mais... Oh, excuse-moi. Ça fait rien. C'est Mélanie Pain, Bye Bye Manchester. Oh, oui, mais dans ce cas-là, on peut faire les deux. On peut faire les deux P. Oh, bonne idée. Oui. Alors, Mélanie Pain, Bye Bye Manchester, suivi par... Qui c'est? Patachou. Oh là là, notre cher Patachou. Elle va chanter le bricoleur. Thank you. Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. Mais dans ses calculs, il se trompe. Et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Comme il redoute que des canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal. C'est commode, je vous jure. Et souvent la nuit je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin, mais ce n'est qu'un vilain brequin. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur. Tout le monde en place pour un pinto! Hey! Longtemps que je couche par terre, je vais coucher dans mon lit ce soir. Oh, ma paille s'est déchirée. Je n'ai pas de fil pour la raccorder. Oh, si j'étais plus fortuné, je l'enverrais chez le couturier. De coucher par terre, faut y passer pour le savoir. Oh, j'en ai mal dans les côtés, sensible de la tête jusqu'aux pieds. Oh, j'ai le nez tout échancré d'avoir couché sur le plancher. Au milieu de la nuit, oh, j'ai attrapé un torticolis, oh, tourne Saint-Bon pis tout du lot. J'ai fini par me placer, oh, s'empêche pas que le matin, j'en avais trois coudres enfoncés. Well, we heard, again, advancing in our alphabet, we heard Melanie Pain with P, Bye Bye Manchester. And she sings about, well, she sings about taking off from Manchester and going along probably in a car or something. And they turn the corners. And anyway, they get farther and farther away from Manchester. And so she sings Bye Bye Manchester. A little bit more lively was Patachou, Le Bricoleur, the handyman. And she really sings how glad she is that she has a handyman in her house, because he does all kind of things. He constructed a little baby bed when the baby was born. He is coming up with, always going around with his boîte à outils, toolbox, she sings. And so then he had one, at one point he was actually trying to invent a system by which he could make water from wine, which I think is quite a good... Wine from water? No. Oh. That's the clue. He wanted to make water from wine. Well, in France, in some instances, actually wine is cheaper to buy than Perrier, or than water in the, I mean, table wine. I mean, mm-hmm. Okay. Anyway, so and but then at the end he is on a project. Is trying to do something with electricity, and now he has a glass full of electricity. So she says, well, it's not so, probably not such a good idea to have a bricoleur, a handyman, as your husband. And then we ended up with Q, the looking all over the place, there is no... Well, maybe we should put this as a challenge to the listeners. If they can find any singer that starts with Q. Letter Q. Mm-hmm. But I didn't find anything. So then the subterfuge, of course, is we take someone from Quebec, and then at least we have satisfied the requirement for one Q. And so what we had, of course, was the La Bottine Souriante, and they were singing the song about my straw mat or mattress, and how they are, well, I mean, you can imagine, not necessarily the most comfortable thing, especially if it starts scratching you in the back. So, but the reason, I mean, there still is a connection to a Quebecois singer, and that is Le Duc, La Bolduc, a famous folk singer from Quebec. She, this was one of her songs. Oh. So this is about as far as we can get with the Q. And if anyone has a suggestion, we would greatly appreciate hearing about it. I mean, this Q business is kind of something else. I mean, there's this famous story about this little man who's trying to pick up a railroad ticket. And his name is Giloc, probably Breton. And the railroad assistant at the cash register says, "Can't you spell it out for me?" And he says, "Yes, Giloc, c'est J A L 2 L O Q." So he says, "Well, why don't you fly there then?" je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est dans l'orthographe, hein? Non, c'est comme il l'appelle. Il dit, bon, j'appelle mon nom Giloc, comme j'ai deux ailes au cul. Oh, je comprends. J'ai deux ailes au cul. I've got two wings. On my cue, on my whatever. Derriere. So the railroad person says, here. Why don't you fly there? Well, so much. This is only diversion tactics because we were unable to find a cue for a singer. But et voici une annonce. Kela Ramnath is one of North India's top instrumentalists. Hear her Sunday, May 11th at 5 p.m. in the Dr. Premanand Concert Hall at Normandale Community College. For further information, go to imsom.org. This event is co-sponsored by the Indian Music Society of Minnesota and KFAI Radio, 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul. Je n'avais pas le micro, pardon. Alors, on continue avec Lynn Renault et je dédie cette chanson à mon amie Nancy parce que Nancy aimait beaucoup cette chanson une fois qu'on l'a jouée, Le chien dans la vitrine. Ça va être suivi par Lucette et Raya qui chante La môme au bouton. Ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en frétillant? Je dois m'en aller en Italie en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie en étant toujours avec lui. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc? Combien pour ce chien dans la vitrine qui me regarde en frétillant? Je viens de lire que dans les nouvelles il y a des voleurs de cœur. Si de mon mari le cœur chancelle, il protégera mon bonheur. Je n'ai pas besoin de souris blanches, ni même d'un perroquet savant. Quant aux poissons rouges, même un dimanche, il aurait l'air bête en les promenant. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc? Combien pour ce chien dans la vitrine? Eh bien, c'est d'accord, je le prends. Tôt le matin et tard le soir, avec un sourire très doux, elle tendait dans sa petite menotte de jolis boutons de culotte qu'elle vendait pour quelques sous. C'est la môme au bouton, tant au bouton de culotte. Pauvre môme pas là, tant qui vendait sans façon, qui vendait du bouton. Les culottes des autres et gagner son croûton. Elle en avait toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. Elle en avait des noirs énormes et des petits blancs avec des fleurs. Elle en avait des transparents avec des reflets idylliques. Elle en avait de métalliques qui qui se défaisait rapidement. C'est la môme au bouton, tant, au bouton de culotte. Pauvre môme pas là, qui vendait sans façon, qui vendait du bouton, tant, pour la soie des coquettes, ou la toile des chemisettes, bouton tête ne tonton. Mais hélas, le sort du bouton est semblable à celui des roses. Pauvres fleurs qui à peine éclosent sont taquinées par le bourdon. Elle donne à son cœur et sa chair un gars pourtant sympathique, mais qui un jour avoua cynique: je suis dans la fermeture éclair. Et la môme au bouton, bouton, au bouton de culotte, pauvre môme pas là, perdit toute raison, perdit toute raison, zon, devant l'affreux dilemme, quitter celui qu'elle aime ou trahir ses boutons. Sa vie devint un drame, alors des cauchemars hantaient sa cervelle. Elle en eut une varicelle et des boutons partout le corps. Mais lui, sans pitié, continuait dedans sa fermeture éclair. Ainsi s'appelait notre ouvrière, Claire, dont sentait qu'elle craquait. Et la môme au bouton, bouton, au bouton de culotte, par une nuit pas là, s'éteignit sans façon. Alors le gars crut bon, bon, lui l'homme s'entendrait seul, à la quête de la messe, balancer, oh, balancer un billet de 100 francs pour bien fêter cette aventure, balancer un billet de 100 francs, c'est le curé qui fut content, blanc. Well, it's time to tell you that you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI. 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90,3 FM à Minneapolis et 106,7 à St. Paul, Radio Sans Frontières. And you are listening to Bonjour Minnesota. And it is 9 p.m. Central Daylight Time here in Minneapolis, St. Paul. And hello, Caril. Bonsoir, Olaf. Let me get this thing. Ah bon, on a un photographe qui vient ici nous faire les photos avec un appareil formidable. Bonsoir. But we will. You are. What program are you? You're a Ray. What's your name? Rajib. So, and he has a program from. Hi. Thank you. Thank you for the opportunity. This is Rajib. I participate in Lenny Chisholm's show on fourth Saturday morning along with my another co-host Ryan Rock, and also thanks to Lenny Chisholm for helping us. Be more creative during his time, so it's very awesome. Lenny Chisholm rocks, and thank you both. So you will be on at midnight tonight. Tonight I'm subbing for Sean. I forgot the name of his show, but he needed somebody to cover for him between 12 a.m. to 2 a.m. this morning. Okay. I'm covering for him this morning. Wonderful. So stay tuned. Right, and this is the spirit of KFAI, is that people help each other. Yes, they do. So they certainly do. Very, very nice of you, right? Thank you. Thank you, sir. Okay, so we are now, did you do what? 21h. 21h, yes. Et à Paris, à quelle heure est-ce? Ça, ça devient tellement... répétitif, oui. Enfin, il est 4h du matin. Les gens n'ont qu'à ajouter 7h, et puis dans ce cas-là, ils savent que c'est 4h du matin. 4h du matin à Paris. D'accord. Oui. Donc, on va continuer avec notre musique, hein? Mais oui. On est arrivé à... Bon, oh, tu n'as pas annoncé ce qu'on vient de jouer. I haven't said anything yet. So, about these two last songs that we had. So, we got Q out of the way. And then we had Lynn Renaud, R, P-Q-Q-R-R, Lynn Renaud in Le Chien dans la Vitrine, and Lucette Raya, R, Le Môme au Bouton. And basically, Le Chien dans la Vitrine says, I don't have to translate this. Well, I may have to translate it anyway, because actually, everyone knows what the story is about. But we, Dan Chouinard gave a very interesting seminar or talk at the Alliance Française, in which he looked at songs that had gone across the ocean and been translated either way, I mean, from east to west or west to east, and what the outcome was. And actually, the Le Chien dans la Vitrine, the little doggy in the window, has some very interesting, what should I say, psychological implications. The English version is quite innocent. I mean, the lady is very happy that this little dog will be accompany her husband and on his travels and so on, and it's better to have a little dog than... Well, we don't know if it's her husband. I think she said my sweetheart in the American version. Well, I mean, so that's... But then the French... And he's going to Florida, I think, it's in that or Arizona in that particular song version. But in France, first of all, he goes to Italy. It's her husband. And it's her husband. Yes, that's more... And he's going to Italy. It's her husband. And then, and she says, as long as he has the dog with him, the dog will watch over him so that he doesn't get funny ideas and keeps true to me. So that's, so there is a slight the melody is the same, but the psychology of the text is a little bit different. And that was the whole point of Dan Chouinard, yes, who is a very well-known and very a good singer and player of piano. A really great talent. Yeah. We're fortunate to have in the Twin Cities. In his discussion about various kind of songs that had been translated and gone back and forth. Okay, and the second one is more, I mean, it's about this guy, I mean, the... Le Môme au Bouton, well, I mean, everyone... The kid with... That's a poor guy, the poor guy who has pimples on his nose or something like this. And obviously, these things are... L'Ordre de Chanson. Can't be... Well, I mean, for the poor adolescent who has... It's a big deal. Yes. on va continuer, alors. Maintenant, on va écouter... Oh, j'adore cette chanson. C'est Catherine Sauvage et elle va vous chanter Paris Canaille. Sauvage, S. Et ça va être suivi par Berthe Sylvie Selva. On n'a pas tous les jours 20 ans. Paris, ma relou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants, t'accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brun des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. T'es de la Croix, de verre d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames sont une raison à ce fond bigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là la une, ah là la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux, la toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là la l'air, ah là la rien, t'es un gangster à la mie de pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris je prends,

their picnic and so on. So, and then she sings again. I mean, you better do what you can. I mean, and enjoy it, because you'll be 20 only once. But actually, our CD had some little hiccup, and you heard it several times. I mean, so you didn't only hear it once, but several times. But that's the machinery here, not by design. Bon. So we are now getting into, yeah. Bon, on a annoncé les deux. Oui. Mm-hmm. Et maintenant, on est arrivé à Diane Tell. C'est pour la lettre T. Elle va vous chanter La Folie. Et ça va être suivi par Monique Thubert, T-H-U-B-E-R-T. Et Monique va vous chanter Bouffe. Je ne sais pas ce que c'est. Sur le dos d'un dinosaure s'est posée une alouette. Permettez que je vous ignore, je veux pas savoir qui vous êtes. Si vous me croisez dans la rue, dites-vous que j'ai une bien mauvaise vue. Si vous me croisez dans la rue, dites-vous que j'ai une bien mauvaise vue. Dans mon crâne, y'a tout qui cloche. Je résonne à la ronde. Le mental dit je décroche, et ça me revient chaque seconde. Il faudrait une armée de petits soldats de plomb dans la tête. Il faudrait une armée de petits soldats de plomb dans la tête. Avec une canne, ou puni parce que passage. Si vous me voyez dans un arbre, dites-vous bien que c'est passager. Si vous me voyez dans un arbre, dites-vous bien que c'est passager. Comme d'autres se détendent. Salut. Oh, dis donc, c'est vachement bas de chez toi. Extra super. Bon. J'ai pas l'effet que ça me fait, mais ton disque, il est sans sas. Dis, tu me fais danser? Bon. Oh, il fait chaud ici. Je retire mon manteau. Allez, chiche. Tu me sers trop. J'étouffe. Allez, j'enlève mes chaussures. D'accord? Bon. Danse bien. Pourtant, hein, avec moi, c'est pas de la tarte. Ah. Il paraît que c'est très difficile de bien danser avec moi. C'est vrai, on pense tout de suite à autre chose. Bon. Regarde ma robe, elle est toute déchirée. Oh, c'est rigolo, j'ai plus de robe du tout. Oh là là, t'as vu? J'ai plus rien sur moi, j'ai plus que ma montre. Oh, ça alors, c'est formidable. Bon. Peut-être milieu du maître. Parole fais crier les imbéciles et tu mets dans l'horreur civile de la noblesse et du style. Crie qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks for supporting community radio. Well, we had three teas, and they were kind of, well, kind of a heteroclit collection. The first one by Diane Tell La Folie, craziness. And she just sings about, well, I mean, what she does, and she sits on a, is trying to get a poster on a tree and sits in a tree. And anyway, I mean, this is, she has strange behavior there, and but says that this is all because she is slightly deranged. The next one is a very, well, funny one. No, not funny, but I mean, curious one, called Bouffe by Monique Thubert. And Bouffe, she sings about, well, how awesome. She uses all of the French slang word. Slang word is not really the word, but familiar words for if something is really nice. And here we use awesome, awesome, it's awesome. And she has a whole litany of those. And the person who's she gets into this apartment and says, oh, this is awesome apartment. And the guy apparently just, she says, woof, woof, he's just not very, very, I mean, this doesn't really matter to him. So, and she has, as she sings, I think she's drinking while she's singing, because she gets more and more awesome. And then we have Mama Bea Tekielski. And this is, I found, when I looked up the T's and tried to find singers with a T, I found this name and I thought, well, with that name, we have to, I have to have her on the program. And that's more of a philosophical one, in which she and her partner sing about the ni Dieu ni maître, neither God nor a master over us. So they are independents. Merci, Olaf. Here's a couple of announcements for what's going on in the Twin Cities. A word from Barbara Redman, who is talking about an interview on her website by best-selling author Tilar Matzeo, a hotel on the Place Vendôme. And this will be in her blog. It talks about the hotel on the Place Vendôme. This new novel is about 1940s sex, parties, and political intrigue at the Ritz Hotel in Paris. To tune into her blog online, it's Barbara. Well, just simply http://awomansparis.com. I'll say that again, http://awomansparis.com, in one word. It's an online publication of commentary, criticism, essays, interviews, and art, featuring stories on popular culture in France. The second announcement is for those of you of French-Canadian background, they're going to have a get-together. The Franco-American Heritage Foundation educational event will take place on Saturday, June 28th, in the Provence Room at the Salut Bar Américain, 917 Grand Avenue in St. Paul, Minnesota, from noon until 3:30. There will be a guest speaker. There is a charge because you'll have some great food, your choice of quiche Lorraine, steak sandwich, or seafood crepe with coffee, juice, and salad. If you would like that, you can look it up. Let me see, what's his address here? You register online, fahfminn.org/events/doctor, and it's dr-greg-brick-presentation. Dr. Greg Brick is of the Department of Earth Sciences at the University of Minnesota. He will discuss the discovery of saltpeter caves along the Minnesota shore of Lake Pepin by Pierre-Charles Lesueur in 1700. These caves have recently been located and were the subject of his doctoral research at the University of Minnesota. But besides the speech, I think they'll have a good time talking about their Canadian background. What's going on at the Alliance? Well, there will be 5-week French classes. It's a topic course. This one sounds fascinating. Le Débarquement, the 70 years of D-Day. Discover D-Day via a variety of materials. It takes place Saturdays from May 10th through June 7th. 12:30 to 2:30 p.m. It says intermediate 1 plus for the level of your French. Also, another course, intro to la littérature africaine. Discover the some of the works of Francophone writers from Africa. And it cover many themes such as immigration, colonialism, identity, or gender rules. May 15th through June 12th, 6 to 8 p.m. on Thursdays, intermediate 3 above. The French for Travelers started, but maybe you can still get in on it, started Tuesday, May 6th, tonight, from 6 to 8 p.m., but they also have another class on Sundays, May 11th through June 8th, 1 to 3. Call on either register online or call the office, 612-332-0436. This is a long wait for an announcement of a singer, a new singer. We've played his works. It was by, his name is Stromae. And I wondered where he got that name, but it's Anvers, which is French slang for maestro. Mm-hmm. He's coming Thursday, September 25th. The show will be at 8 p.m. Mill City Nights, it says. His name is Paul Van Haver, and he performs under Stromae. He conducts an international symphony of hip-hop, indie, world music, pop, and electronic dance music. I think he's quite the name now. I've seen his name mentioned several times in different publications. Reading circles at the Alliance Navigateur de la Littérature, intermediate level, will meet tomorrow, May 7th, from 6 to 8 p.m. The group will continue reading the second story in the book, La Bête de Castro, in two stories, Deux Nouvelles by Stendhal, starting at section 3 in either book or online. The easy lesson readers, well, beginners book level, Saturday, May 10th at 2:30. They are reading Le Dîner des Cons, And there will be volunteers from the Alliance to guide you along. So call the Alliance or go online. Their website is bonjour@afmsp.org. Workshops. Improve your French in just one day. May 17th, Saturday, 1 to 4. The past tenses, the imparfait, the passé composé, the passé récent. And the second workshop will take place Saturday, May 10th from 1 to 4. Qu'est-ce que l'Europe? Take a Saturday afternoon to learn more about the European Union, the Eurozone, the Schengen area, and the history and meaning of these communities. Call the office or register online, 612-332-0436. Kids Camp, Les Petits Explorateurs, French Summer Camp. It's for youth age 4 through 18 with a variety of French experiences. I would recommend visiting the website. Call the office to register, 612-332-0436. The Three Musketeers will be on May 11th, 14th, and 15th. I think it's playing longer than that, but those are the work is performed at the Guthrie at the Walking Shadows Theater Company. It's not the main Guthrie, though. Let's see. I have the information on that here. What was that? Do you remember offhand? Well, I think it's one of the smaller stages. The smaller stages? Yeah. Well, give the Alliance a call if you are interested in that. There is a price reduction for members. It's a new production of The Three Musketeers. Want to go to France in October? Well, there's a terrific group leaving October 9th through 18th to visit pottery villages, ceramic centers, studios, meet artists, and tour selected wineries. You'll go to Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Uzès, Vaison-la-Romaine, Dieulefit, Paris, and Le Born. This is only a few spots left. This is led by people from the Alliance. To reserve your place, call the Alliance at 612-332-0436. Let's see, what else? Something from the French Chamber of Commerce. Pop-up soirée de printemps, Wednesday, May 14th, 6 to 9:30 at the Minneapolis Photo Center, Photo Co-op Studio and Lounge, 2400 North 2nd Street. The French American Chamber of Commerce takes you fresh new destination, the Minneapolis Photo Center. There will be refreshments, live and silent auctions featuring the honored guest, Antoine Huet, Air France Vice President Commercial, North America. Again, check in with the Alliance to reserve your spot. There is a charge. That's all for announcements. On continue, hein? Oui, oui, oui. Oui, hein? Pour la musique. Bien sûr. Il y a encore de jolies musiques ici. Bon, on s'est arrêté avec... c'était Mama Beate Kisti. C'était la dernière, hein? Oui. Alors, on est arrivé à la lettre V. Et vous allez écouter Cléa Vincent qui vous chante Méchant loup. Et puis Sylvie Vartan. Ah non, d'abord c'est Cora Vauquer qui chante Complainte de la butte. Et pourquoi pas encore un V. Oh, il y en a quatre. Oui. On attend alors. Oui. D'abord Cléa Vincent, Méchant loup. Thank you. patience d'entrée de jeu. La stratégie de monsieur. Pleure pas s'il répond pas. Ça viendra, le méchant loup te mangera. Il te tient en haleine, comme des dizaines d'humaines. Te donne un rendez-vous et ne vient pas du tout. T'en fais pas, le méchant loup te mangera. Saint-Vincent, un poète et une inconnue, s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue, un matin de printemps l'entendra. Quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux, les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota History Center, Sights, Sounds, and Soul. Twin Cities through the lens of Charles Chambliss include more than 60 photographs, Prince's suit from Purple Rain, and more is on display now. The exhibit documents the Twin Cities black community in the 70s and 80s. Information is available at minnesotahistorycenter.org. So we are now getting into the V's, but you may have noticed, for the last one was T. Tekinski. And what's between T and V? You. And there is no, all my research didn't turn up a singer whose name started with a first or last name started with a U. No. So again, I mean, I'll throw this out as a challenge to the listeners. I mean, if they can come up, if they find one, that'd be, offer them a beer or something, or a glass of wine. C'est surtout H-U. S'il y a comme Hugues. Oui, Huguette. Well, maybe one can, yes, yeah, silent. Ash, silent H. Right. So maybe we'll have. I'll have to see how we can get around this. I mean, but it's kind of difficult to get all of this. And the most difficult thing is that you go through all of these collections, and there are 10 male voices for one female one. Uh-huh. So I don't know what this is. So this is kind of difficult to really leave it totally within female singers. So what we had was Claire Vincent, Méchant Loup, the big bad wolf, and she talks about how he puts his as he approaches the houses and people ask him, show me your hand or your paw. He puts it in white flour so that it looks white and innocent. So. And those, of course, are stories or contes from Perrault, the great fairy tale teller. And then the next one had to do with La Complainte de la Butte, Butte de Chaumont. And here is this poet who is wandering the streets at night, but then he is looking for love or for his beloved to meet her. But he then sees the moon, and the moon has various kind of phases. It can be red, it can be pale, it can be golden. And he, his emotions and his feelings kind of either are reflected from what the moon seems to shine, or he simply goes along with whatever he sees in the heavens, but he hopes that he'll find his true love in the streets of La Butte de Chaumont. Ben, il y a encore des V ici. Sylvie Vartan, celle qui était si populaire dans les années 60-70, elle va vous chanter Liberté, suivie par Carmen Villani, Bada Katrina, et si on a le temps, une chanson toute brève par quelqu'un qui s'appelle Wally, avec W. Et il va vous chanter Anticipation. Donc, les voilà. Et félicitations, Olaf, d'avoir trouvé tout cela. Quella luce ancora un disco soltanto. René ouvrit la porte, un cauchemar, une horreur, une aberration, une véritable aberration. Au revoir. Au revoir. And this, j'ai triché. Le W, c'est un homme qui chante. Ah, c'est vrai. J'ai triché parce qu'il n'y avait pas de W avant. Femme. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je comprends. Tu n'as rien fait, car tu es fatiguée, ma petite tourterelle. Tu es fatiguée d'être restée toute la journée devant la télé, et tu n'as pas eu le temps de préparer à manger, feignasse. Faut bien que je m'entraîne, je resterai peut-être pas célibataire toute ma vie. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul, and on the web at kfai.org, radio without boundaries.